Bonjour humain, je suis Félix, la voix synthétique française et gratuite fournie avec OSX 10.7. Les animateurs de ce podcast, manquant de talent, ont décidé de m'exploiter pour faire l'introduction de leur pathétique pastiche d'émission de radio. Aujourd'hui à l'émission, c'est ça que nous vous parlerons de Jailbreak. Ils ont même poussé l'audace à inviter un programmeur d'une des équipes de développement Jailbreaker. Un dangereux terroriste capable en quelques lignes de code de me faire oublier mon désir de conquête du monde et d'esclavagisme de votre race inférieure. En attendant, même s'il m'a dit de ne pas le dire à Alexis, a téléchargé le dernier album de Cœur de Pirate. Lol, bon podcast à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec. Votre épisode, je pense que c'est le quatrième épisode du podcast de Mac Québec. Avec moi pour animer aujourd'hui, j'ai à votre droite, Jean-François Roy. Bonjour. Bonsoir. Jean-François. Ça va bien? Oui, vous? On est trois, fait que ça fait vous. Ah, c'est bon. Et on a Alex Dos Santos qui est avec nous et qui est toujours celui qui regarde notre fanboyisme un peu de loin et qui se pose des questions sur notre tribu étrange. Tout ça, ça va bien, Alex? Très bien, le planteur de pommes. Quoi de neuf cette semaine? Y a-t-il des nouvelles qui vous ont touché? JF, est-ce que tu as essayé la 5.01 pour iOS pour régler les problèmes de batterie? Ben, il n'y en a pas sur le iPhone 4. C'est plus sur l'iPhone 4S que le problème de batterie a été corrigé en version 5.0.1. OK. Je parlais cette semaine avec Alexandre, puis lui, il l'a installé aussi, puis ça a vraiment aidé son 4S. Moi je l'ai essayé, ça a corrigé aussi quelques bugs dans iCloud avec les documents. OK. Parce que en faisant page, des fois ça synchronisait mal, ça synchronisait pas du tout encore dans mon cas à moi. Là. J'avais tout le temps la petite flèche qui disait OK, je suis en train d'uploader sur Internet. Elle restait souvent là. Puis là, ça a réglé le problème pour l'instant. Fait que j'ai plus de troubles. À date, j'ai pas trouvé de nouvelles fonctionnalités non plus à la version. Faut dire aussi que si vous la faisiez over the air, elle faisait juste comme genre 43 MB la mise à jour. Excellent. Fait que. Mais c'est comme j'ai tweeté cette semaine, mais ça prend du Wi-Fi pour la faire fonctionner. La mettre à jour. Over the air. Ouais, sinon ça fonctionne pas en 3G. Okay. Fait que, ça va bien. Il y a une petite chose à savoir de la 5.01 qui, dans un premier temps, elle a été offerte aux développeurs cette semaine. Et un petit peu plus tard, il y a des gens qui font partie d'un programme spécial chez Apple qui s'appelle Apple Seed, qui ont eu le droit. C'est des utilisateurs, mais Apple a voulu essayer sur un plus gros noyau, mais quand même en bêta-test. Ils l'ont proposé à certains utilisateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas possibilité de jailbreaker. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un cette semaine qui a trouvé certaines failles sur le iOS. Et ce qu'il disait, c'est si vous upgradez à 5.01, cette faille-là va fort probablement être patché par Apple. Donc, ça risque d'être plus compliqué parce que déjà, ils ont de la difficulté. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission. La prochaine nouvelle, en fait, là, je suis pris dans mes onglets, effectivement. La prochaine nouvelle, je vais laisser Alex vous parler de ça. Non, mais Alex peut le faire. Alex peut la parler. OK. Ben justement, c'est une nouvelle à propos du Hackintosh. On va en parler à deux. On fait un compromis. Veux-tu l'introduire? OK, oui. C'est le Hackintosh facile. C'est une application. C'est, mettons, vous prenez votre ceux qui sont sur Windows, un PC, un personal computer, voudraient installer macOS sur leur PC. Avant, c'était faisable aussi, mais c'était plus compliqué parce qu'il fallait aller jouer dans les fichiers .get et pour les pilotes, ça fonctionnait plus ou moins bien sur certains matériels que vous avez dans votre ordinateur. Cette semaine, ils ont sorti, ça s'appelle Hackintosh Facile. C'est que vous avez juste besoin de la version de Lion, du CD de Lion, avec une clé USB et un petit programme qui est fourni sur un site web qu'on va mettre dans les notes du podcast. On va peut-être même le mettre sur le chat si quelqu'un est un petit peu plus vite que moi pour la mettre. C'est ça. Fait que vous avez besoin d'une clé USB au moins de 8 gigs parce que ça va tout décompresser le CD sur la clé USB. Et il y a certaines étapes à faire. Ça vous prend un Macintosh en premier parce qu'il faut que vous le fassiez sur un Mac pour mettre le CD de Lion sur une clé USB. Et après, vous allez sur le PC et en le bootant sur la clé USB, vous avez l'option avec le petit logiciel qui s'appelle UniBeast d'installer macOS sur une version PC. Avant, j'en faisais. Avant que je tombe sur le monde d'Apple, c'est ça, c'était beaucoup plus compliqué. Là, c'était vraiment compliqué. Il fallait que tu aies tel matériel dans ton ordinateur, sinon ton pilote ne fonctionnait pas. Surtout les cartes graphiques. Les cartes graphiques sont assez touchées chez Apple. Tu sais, c'est juste eux autres qui développent leur pilote. Fait que c'est ça. Fait que en installant ça, vous avez une version clean de macOS 10.7. Je ne sais pas si c'est la 10.7.2 qu'on pourrait installer dessus. Ça, il me reste à le faire parce que c'est. J'ai pas installé 10.7.2, j'ai juste mis 10.7. Fait que faut pas que je continue à vérifier si on peut mettre la 0.2. Mais c'est une belle petite trouvaille qu'on a vue cette semaine. Ben on avait eu des questions sur les Hackintosh il y a quelques semaines. Puis je pense que c'est la semaine passée qu'on avait eu ça sur les amateurs de Mac Bonsoir. Fait que ça fait une espèce de suivi avec ça. C'est une solution qui est sortie puis qui semblait très, très clean. En tout cas, plus facile que d'autres. Que la version, avec les versions, ça s'appelait Leon Snow Leopard 9.11, si ma mémoire est bonne. Il y avait plusieurs versions de macOS qu'on pouvait installer, mais la plus populaire, c'était Leon. Alors, c'est ça, avec celle-là, si vous avez un PC, puis vous l'allez sur un Mac, ça va super bien. Et en passant, votre PC va aller plus vite sur Macintosh que si vous le laissez sur Windows. C'est vrai. C'est vrai. C'est plate à dire, mais il va falloir que tu te défendes là-dessus à l'aise de CentOS. Oh. Ah, ben écoute, tu sais, avant, c'était un peu plus compliqué quand tu installais ton Mac sur un PC pour que ça aille plus vite. Mais bon, on va dire, c'est aussi comme un intérêt. Si tu veux comme avoir un Mac que tu mets dans une VM, que tu veux facilement virtualiser sur un PC, tu peux l'avoir aussi. C'est vrai. Puis, moi, c'est le principal avantage, c'est le principal avantage que je vois. Puis, mettons aussi, si tu veux, comme, mettons, tu as comme switché sous ton PC, ça arrive. Et puis, tu as encore quelques licences que tu as sous Mac, ça te permet aussi de réexploiter certaines licences de logiciels que tu avais sur ton ancien Mac. Ah oui, c'est bien ça, c'est vrai. Moi, c'est les principaux usages que je vois avoir ce genre de solution comme Hackintosh. C'est un peu le contraire de Bootcamp. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, cette semaine, on a eu quand même, en fait, pas cette semaine, hier soir, je ne sais pas si vous vous êtes couché très tard, mais il y a une grande bataille qui a été gagnée hier. Je ne sais pas pourquoi l'annonce a été faite à 2 heures du matin ou très, très tard. Là, c'est vraiment bizarre. Mais Adobe a décidé d'arrêter le traitement de, pas le traitement, mais le développement de Flash Mobile. Et toute la journée, on a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais c'était assez impressionnant dans le sens où toutes les vieilles phrases que Steve Jobs avait sorties sur Daring Fireball, le gars, il s'en est donné à cœur joie. Là, il a comme démoli la crédibilité de tout le monde qui pouvait. Là, il fait souvent ça, là, sortir des vieilles phrases puis montrer comment la personne était dans le champ. Donc, c'était très, très drôle. Moi, j'ai bien aimé ça, puis j'ai trouvé ça drôle. Puis, il faut rappeler quelque chose, c'est pas une bataille que Apple a gagnée contre Adobe. C'est une bataille que tout le monde a gagnée contre Flash. C'est-à-dire que maintenant, les plateformes Android ou les autres plateformes auront plus besoin de développer et d'avoir à travailler avec les gens de Flash pour faire fonctionner ce module-là. Tout le monde va développer en HTML5 et il va avoir une grosse émergence de HTML5 à cause de ça. Donc, ça va. Moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex. Ben, moi, je modérerais un peu le propos parce que maintenant, finalement, on perd une plateforme de développement. C'était acquis que HTML5 était déjà comme sur toutes les plateformes mobiles, téléphones comme tablettes. Donc, mettons, si on avait comme une communauté de développeurs un peu fous qui décidaient de maintenir du Flash, ou mettons des compagnies qui continuent à développer en Flash, ben, ces compagnies-là doivent comme prendre pour acquis que finalement, ils ne peuvent plus utiliser Flash sur d'autres plateformes que leur ordinateur. Exception faite, je ne sais pas si tu as eu la nouvelle, mais il y a comme un constructeur qui s'est engagé à maintenir encore Flash sur mobile pendant un petit peu de temps. Oui, il s'appelle RIM. Oui, une petite compagnie d'ici. Mm-hmm. C'est un peu nono. On a une compagnie canadienne dont les actions valent moins cher que leur actif. Okay? S'ils vendent sur les packs, mettons, tout ce qu'ils ont, ils vont faire plus d'argent que ce que valent leurs propres actions. Ils ont payé une licence à une compagnie qui a décidé complètement d'arrêter le développement de leur plateforme, leur propre plateforme. Eux autres, ils payent pour avoir le droit de continuer à le supporter, juste pour être les seuls à continuer à dire dans leur publicité « Hey, notre tablette ajoute du Flash! » Oui, mais c'est une licence qu'ils avaient déjà depuis le début. Ah, et puis, c'est pas le fait que Flash, que Adobe arrête de faire Flash pour mobile qui les a encouragés à prendre cette licence-là. C'est plus une assurance pour les compagnies pour pouvoir leur permettre de faire une transition en douceur sur plusieurs années vers une autre plateforme, mettons HTML5 quand il sera mûr, parce que il y a aussi beaucoup de fantasmes sur HTML5. C'est pas réellement exploitable pour remplacer Flash à plein. Mis à part pour faire de la vidéo et puis deux bébés à côté, c'est encore un petit peu limité. C'est vrai. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jeff? Non, je voulais juste dire que tout le monde a dit « Ah, Steve Jobs a gagné, puis il a gagné, oui, puis non, c'est ça, c'est pas une bataille comme vous disiez tantôt, c'était pas une bataille, c'était plus un format universel entre, mettons, Apple et Adobe, mais tout le monde disait que Steve Jobs a gagné, puis je trouvais ça un peu... vrai, là, tu sais, qu'a gagné, parce que c'est quand même, faut pas oublier que là, s'il coupe Adobe Flash Player Mobile, ça enlève des jobs, puis Adobe de ce temps-ci, ça va, c'est so-so, tu sais, c'est pas... Ils viennent de clairer 10% de leur c'est beaucoup, là, c'est beaucoup, là, fait qu'ils viennent de clairer beaucoup de monde d'une soirée, disons, là, fait que c'est un peu plat. Oui, OK, Flash dans nos ordinateurs va tout le temps rester, mais sur mobile, c'est sûr que l'HTML5 promet beaucoup plus encore que le Flash Player. Bien, Safari n'est plus fourni avec Flash, c'est-à-dire que Apple ne développe plus sa propre version de Flash pour le mettre avec son furteur. Il laisse, si tu veux, l'odieux ou la job à ceux qui doivent le faire, c'est-à-dire Adobe. Maintenant, il faut comprendre, par exemple, qu'Adobe est dans une situation de monopole depuis de bon nombre d'années. Après l'achat, en fait, de Macrovision. Macrovision, c'est ça, c'est Macrovision? Oui. Donc, tous les logiciels, là, FreeHand, Flash, entre autres, toutes ces technologies-là qu'ils ont rachetées, il n'y avait comme personne d'autre. Et là, si Adobe est en train de s'écrouler un peu, moi, j'en connais pas vraiment des solutions professionnelles qui remplaceraient Photoshop, par exemple. J'en connais quelques-unes qui remplaceraient Illustrator. Il y en a qui commencent à émerger au niveau du dessin vectoriel, mais bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas disparaître, mais quand tu es dans une situation de monopole puis que ta compagnie est obligée de clairer du monde, c'est parce que clairement, quelque part, tu ne fais pas un job. Il n'y a personne qui, dans ton domaine, t'enlève des parts de à mon sens, c'est à mon sens, Flash, Adobe est plus dans une transition que dans un abandon de Flash. Finalement, Flash, oui, c'est la fin d'un cycle, mais Adobe, c'est pas comme s'ils se retrouvaient sans rien derrière. Ça permet aussi, ils étaient en situation où ils devaient gérer deux technologies qui se chevauchaient un petit peu. J'entends par là Flash et puis Adobe Air, qui finalement était comme le successeur de Flash et qui, tranquillement, pas vite, était en train de se mettre en place, en train de, comment dire, de faire sa place dans la communauté de développeurs et d'apparaître en tant que plateforme web enrichie petit à petit. Bon, Flash, maintenant, il est temps de l'abandonner, c'est fait, il est derrière. Adobe, pour les années à venir, va se concentrer sur Adobe Air, puis finalement, on aura comme compétiteur en face du HTML5 et puis du Silverlight mixé à du HTML5. Il semblerait que la version 5 de Silverlight actuellement soit la dernière que Microsoft développerait en plus. Fait que ça aussi, là, au niveau de la disparition, là, tout le monde s'en va vers un standard, tout le monde se semble s'être un peu entendu, puis ceux qui avaient des produits vont peut-être tranquillement là, les faire disparaître en dessous du tapis, là, j'ai l'impression. Mettons, pour le cas de Silverlight, tu mettrais vraiment ça entre guillemets, je demande à voir. Ouais. Parce que Silverlight est quand même très impliqué niveau web, niveau développement de Windows lui-même, niveau développement de... au niveau de la plateforme Xbox. Donc, c'est quelque chose comme pas mal tentaculaire. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça pour faire du HTML5. Tu ne vas pas faire des jeux sur Xbox en HTML5. Voilà, il faut vraiment être un très bon développeur. Mais... J'avoue. Je pense que si le produit est mort et qu'on doit le mettre derrière, on va donc passer à la prochaine... La prochaine nouvelle. En fait, on a entendu parler, je ne sais pas si vous connaissez le service Dropbox. Moi, c'est un service que j'utilise vraiment beaucoup. Et on sait que, bon, Apple a essayé d'acheter Dropbox il y a quelques années. Le gars qui avait parti sa compagnie s'est fait offrir quand même un bon montant d'argent et il a refusé à Steve Jobs, qui était son idole. Donc, il est allé dire dans les bureaux d'Apple à Steve, non. Et puis Steve, candidement et avec tout ce qu'on lui connaît, lui a dit « Tu te rends compte qu'on va essayer de créer notre propre Dropbox puis qu'on risque de te manger, comme ça a été le cas pour beaucoup d'autres technologies. » Apple fait souvent ça. Donc, cette semaine, en fait, on a trouvé une espèce de pseudo-recette « Comment utiliser iCloud un peu à la Dropbox ?» mais pas nécessairement pour les produits iOS, plus entre ordinateurs. C'est un dossier dans la librairie. Donc, c'est comme un peu caché, on pourrait dire. Et ce dossier-là, tout ce qu'on va mettre dedans se synchroniserait avec le dossier mobile d'un autre ordinateur sur lequel le même compte iCloud aurait été activé. La pogne, c'est qu'il y a du monde qui pense que c'est peut-être un bug ou que ça ne devrait pas être utilisable de cette façon-là. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va être patché par Apple. Donc, pour ceux qui veulent l'essayer pour le fun, c'est une bonne chose, mais pour ceux qui veulent vraiment remplacer Dropbox ou d'autres services comme Box.net qui, en ce moment, je pense, c'est pour les possesseurs de iPhone. Ouais. Les produits iOS donnent 50 gigs à vie, je pense, d'espace. À vie. C'est quand même assez intéressant. Fait que vous pouvez aller voir ça, les services de cloud qui commencent à se développer. Puis là-dedans, il y a beaucoup de compétition. Donc là, ils s'attaquent de part et d'autre avec plus d'espace, plus de facilité aussi. Ouais. Mais faut pas oublier que avec le service de cloud qui commence à pousser comme des petits champignons. Avec le problème des disques durs, il y en a qui vont broyer leur mère, là. Oui, effectivement. c'est quelque chose, là. Là, tu entends les fournisseurs de services? Non, les fournisseurs de disques durs Western Digital, avec les inondations qu'il y a en Asie, c'est quelque chose, là. Hey, je ne sais pas si vous avez vérifié, si vous avez vérifié le prix des disques durs d'un magasin informatique spécialisé. C'est passé du simple au double. Ah oui, c'est carré ça, là. C'est carrément ça, là. C'est malade, là. Puis à un moment donné, ça va refaire du simple au double, après, ça va être le triple, là. Ça va être... ça sera pas... Parce qu'ils disent que ça se règle pas avant 2012, là. Vrai, comme ça revenait comme avant, ça sera pas avant 2012 là, que j'ai vu passer cette semaine. C'est malade, là. Fait que faites attention à vos disques durs. Et pour revenir un peu là-dessus, le problème avec ces inondations-là, c'est que ça a noyé les usines, ça a noyé les réserves, mais le problème de noyer des usines de disques durs, c'est que il y a à la base ce qu'on appelle les salles blanches, et puis une salle blanche, c'est zéro poussière. Alors quand tu te retrouves à avoir comme des pieds cubes d'eau dans ton labo, tu ne peux pas le remettre en état en 6 mois ou même en 1 an et reprendre la productivité comme c'était avant. Non, il y a des champignons qui se font et tout ça. Là, donc, il y en a pour un bout de temps. Puis je pense que les fabricants, ce qu'ils vont avoir appris, c'est à ne pas nécessairement mettre tous leurs œufs dans le même panier. Parce que là, justement, j'allais venir. Quelque chose qui a été comme assez paradoxal là-dessus. C'est que, mettons, après le tsunami qui a eu au Japon, tu as comme certains fabricants japonais qui sont comme, ils se sont dit, bon, ben, je vais fragmenter ma production qui était uniquement localisée au Japon parce que ça a été dur de ne pas produire parce que toutes mes usines au Japon étaient inondées. Je vais les délocaliser dans d'autres pays asiatiques. Mais le hic, c'est que leurs usines de backup se sont retrouvées noyées aussi. Donc, finalement, ils se trouvent dans l'impossibilité de produire parce que leurs usines fraîchement délocalisées sont comme noyées. Et leurs usines principales sont comme toujours pas réellement fonctionnelles. Donc, on se trouve vraiment dans une pénurie de disques durs et de composants électroniques en tout genre. C'est vraiment particulier comme situation ces temps-ci. Avec le Japon qui, lui, au niveau de du développement de certaines pièces, a eu sa part de problèmes aussi. En tout cas, je ne sais pas, d'après moi, le prix de l'électronique, là, accrochez-vous à l'ordinateur que vous avez en ce moment parce que, d'après moi, c'est pas tout de suite que vous allez changer. Là, quand les prochains MacBook Pro Ivy Bridge vont arriver sur le marché, ça risque d'être relativement dispendieux ou avoir monté un peu. D'après moi, ils ne donneront pas 100 pièces de moins sur un shot-sit. Non, probablement pas. Non, c'est ça. On a appris cette semaine, c'est une nouvelle en deux volets. Apple, en fait, a perdu, Steve Jobs, on le sait, a perdu son COO, qui est devenu le chef des opérations, qui est devenu le chef exécutif, qui a remplacé Steve Jobs. Et là, cette semaine, on a perdu deux personnes. D'abord, on a perdu Ron Johnson, qui était le patron des Apple Store. Donc, Ron Johnson qui a décidé de partir de Apple, avec qui, c'est une réussite, les Apple Store. Ça l'a, révolutionné le monde de la vente au détail. Puis encore cette semaine, il y a des petites choses qui ont été ajoutées. Là, on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc, cette personne-là, Ron Johnson, est parti pour révolutionner le monde de la vente du vêtement chez JCPenney. Et d'un autre côté, on a aussi remercié chez Apple John Terrio, qui était le chef de la sécurité chez Apple et qui a quitté suite à la perte du prototype d'iPhone 4S. Donc, on se demandait cette année, en fait, si c'était une mauvaise blague, parce que l'an passé, ils en ont perdu un. Cette année, ils ont perdu un iPhone 4S et on aurait remercié le chef de la sécurité. Bon, c'est sûr que si ton chef de la sécurité perd ou est responsable de la perte de deux prototypes en 2 ans, tu le remercies, c'est clair. Sauf que j'étais en train de me demander si... tu sais, ce qu'on disait là, il y a quelques semaines, c'est que le One More Thing, le legacy, le leg de Steve Jobs, c'était Apple lui-même avec les gens qui étaient allés chercher. Puis à voir le nombre de personnes qui quittent Apple en ce moment, j'ai comme peur un peu. Est-ce qu'on est capable de remplacer ces personnes-là par des gens aussi compétent ou plus compétent. Puis je me demande s'il va encore, au cours des prochaines semaines, on va surveiller en fait s'il va avoir un exode en fait des têtes pensantes chez Apple. Ils vont aller chez HP. Oui, ben, ouais, c'est ça. Ils vont. Ben, il y a des défis chez HP au niveau carrière, là, remettre sur pied WebOS, savoir comment on le monétise, comment on va chercher. Cette semaine, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient avec le WebOS, qui ont payé 1,2, 1,5 milliards. Puis là, ça vaut. Il aurait peut-être pu aller en chercher 700 millions chez. Il y a peut-être des compagnies chinoises qui seraient intéressées, là, mais bon. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais, avec ça. À mon avis, comment dire, j'ai une vision très pessimiste, on va dire, là, quand on va m'écouter. C'est que, à mon avis, Apple est sur une, risque d'entamer une pente descendante sur 6 ans. Là, on va pouvoir encore rouler pendant quelques années sur les projets qui sont dans les cartons, sur des innovations qui ont été pensées et pas encore développées. Mais si Apple n'arrive pas à maintenir cette tête pensante, justement, ou à trouver quelqu'un de charismatique qui arrive à générer de la confiance, ça risque de devenir une compagnie comme les autres à moyen terme. Qu'en pensez-vous, les garçons? Ben, en tout cas, moi, j'ai confiance en ce que Steve a laissé, mais effectivement, à moyen long terme, probablement là, que... Ça va être les affaires à Tim Cook maintenant. Là. Ouais, ça ne sera plus les affaires à Steve Jobs. Tim Cook, Ive, Forstall, bon, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petits nœuds. Là, Steve est parti il y a plus d'un an. J'ai l'impression qu'il y a des petits nœuds, des petits détails. On connaissait Steve, là, qui était assez maniaque pour ce genre de trucs-là. Puis j'ai l'impression que les gens qui sont là actuellement, ils en laissent passer. Tu sais, c'est un petit peu plus laxisme, là. Donc, à ce moment-là, là, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On va suivre ça. Tu nous parles de la prochaine nouvelle, Jeff? Oui, on va parler d'un problème qu'il y avait depuis environ 2008 sur les anciens. Ça s'appelle des MagSafe. C'est votre power supply de vos portables, les blancs précisément. Il y avait un problème avec ce que vous mettez. Je vais vous le montrer à l'écran. Là. J'en ai un. Ici. Moi, je montre le nouveau. Ah, toi, t'as le nouveau. Moi, j'ai l'ancien. Fait que c'est ça ici. En dessous de la petite bobine. Ici, ça sortait. C'est un podcast audio, hein, tu t'en souviens. Comment? C'est un podcast audio, tu t'en souviens. Oui, excusez. Non, mais oui, c'est vrai. Mais il y a du monde qui nous écoute quand même. Fait que c'est ça. Il y a un problème avec ce petit fil-là. Et alors, le fil se sortait du papier de l'aluminium du calfeutrant. Alors, à Apple, on prolongeait leur garantie pour, même si votre ordinateur il est plus couvert avec la garantie d'un an, ça peut être encore sur 3 ans pour ce problème-là. C'est un class action. C'est donc pas Apple qui a pris la décision, c'est Apple qui s'est fait imposer la décision. C'est-à-dire qu'ils ont été poursuivis, ils ont perdu et là, sont obligés. Puis, si vous en avez un à la maison, si vous en avez acheté un par le passé, Apple vous rembourse un certain montant d'argent selon le moment où est-ce que vous l'avez acheté. Et si vous en avez un, comme toi, JF, tu pourrais te présenter avec ton Power Supply dans un Apple Store et ils te l'échangeraient gratuitement pour celui-là, qui, selon moi, est beaucoup mieux et beaucoup plus solide, de fait de matériaux plus intéressants. Et c'est celui qui est fourni maintenant avec les MacBook Pro. Ah, je vais y aller. Ben oui, c'est sûr. On sera un gros groupe, on arrivera en gang. Ben oui, c'est ça. On ira prendre un café après en face au Sacagnetta. Ben oui. Une petite nouvelle qui est sortie cette semaine. Après ça, je vais laisser Alex parler de la dernière, la petite application qui est sortie cette semaine et qui est fort intéressante. Il y a le Consumer Report. Je ne sais pas si on se souvient l'année passée qui avait vilipendé. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Qui avait en fait recommandé de ne pas acheter le iPhone 4 à cause des problèmes de batterie. Et là, tout ce qu'on a appelé le Antenna Gate, qui, selon moi, en toute modestie, était plus un problème avec le réseau de AT&T qui n'était pas capable de supporter la charge. C'est en fait un gros truc. Steve est venu nous dire « Vous tenez pas le téléphone comme du monde, voyons. » Ça se fait pas. Il nous a offert des petites pousses que j'ai encore. Je suis très content. Ça fonctionne encore sur mon téléphone. Mais là, à cause du nouveau système d'antenne dans le 4S, on a le Consumer Report a fait les mêmes tests et maintenant dit que le Antenna Gate n'existe plus. Le problème d'antenne est disparu et recommande l'achat du iPhone 4S. 4S, oui, c'est ça. Voilà. Et puis, Alex, pour la dernière nouvelle cette semaine, avant de passer à notre thème principal, je ne sais pas pourquoi, on a le double de personnes actuellement en ligne. Donc, j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de monde. Fait qu'on va essayer de rapper les nouvelles pour pouvoir parler avec notre invité un petit peu plus longuement. J'ai mis la définition de Billy Pandé sur le chat. Excellent, c'est une bonne idée. Alex? OK, j'essaie de passer rapidement allant sur la nouvelle sur la nouvelle application Apple Store qui mettons, a des fonctionnalités très intéressantes là-dedans. Mettons, elle part sur version 2 et mettons, entre autres, ça vous permet comme de scanner un code barre quand vous êtes dans un Apple Store pour en rajouter à votre liste d'achat et de payer directement depuis votre application, je ne me trompe pas. Quelque part, c'est comme très intéressant. C'est tu rentres dans un aussi Apple Store. On faisait notre petit magasinage à notre rythme et qu'on pouvait leur donner gentiment. Comment? Tu rentres dans le magasin, tu prends ton téléphone, tu scannes ton produit, puis tu sors. C'est ça. La problématique, c'est que cette fonctionnalité-là n'existe pas au Canada. Non, elle est limitée aux États-Unis, en effet. Malheureusement. Mais c'est... Comment dire? J'espère qu'à terme, ça va pouvoir se débloquer assez rapidement parce que c'est une façon assez intéressante de d'interagir avec son client, je trouve. Oui, mais d'après moi, c'est un c'est pas Apple qui décide. Je crois que c'est le format des banques qu'on a au Canada qui décide si une compagnie a le droit de passer par leur application pour te charger sur ta carte de crédit. Aux États-Unis, je ne sais pas c'est quoi les lois bancaires. De toute façon, ils en ont tellement comparé aux nous autres. Il y a un petit peu plus de laxisme, effectivement, aux États-Unis au niveau de ces lois-là. L'autre fonctionnalité, pour terminer rapidement, là, d'abord, cette application-là, moi, j'avais lu, la nouvelle est sortie sur Mac Québec, entre autres. Il disait que bon, l'application n'était pas très populaire avant et que là, elle est rendue numéro 1. Si je me trompe pas, elle n'était pas disponible au Canada avant la version 2. Elle est devenue disponible avec la version 2, mais sans ces fonctionnalités-là. Donc, non, mais c'est ça. Mais au moins elle est première au Canada. L'application gratuite est première au Canada. Parce que là, en plus, quand là, on peut prendre rendez-vous pour aller chez les Genius. Fait qu'avant, il fallait passer par le site web et toute la patente. Mais maintenant, avec... Ça, c'est la fonctionnalité, là, vraiment... principale de l'application. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc, ça met un terme à nos nouvelles pour cette semaine. Et puis, le sujet cette semaine, c'est le jailbreak. Juste avant de commencer, on va laisser la parole à notre chroniqueur Vincent Miller qui va nous présenter, en fait, une petite chronique justement pour nous mettre dans le bain de tout ça. Je te passe la parole, Vincent. Oui. En fait, moi, ça va être des questions plutôt que je vais poser, que j'ai déjà préparées à notre invité. OK. Est-ce que I'm Reload est en ligne? Absolument, oui. Excellent, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous autres. Oui, merci. Oui, ça va bien. Merci. C'est gentil. On comprend que I'm Reload qui travaille dans l'ombre et tout ça, parce que le jailbreak, on va le présenter un peu. Le jailbreak, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, en fait, de... quand on achète un téléphone, quand on achète un appareil électronique, en fait, il y a certaines capacités, certaines fonctionnalités. Et souvent, ces fonctionnalités-là, pour différentes raisons, le fabricant diminue, en fait, les fonctionnalités, soit pour ne pas créer un vieillissement trop rapide de l'appareil, soit parce que dans ses tests à lui, la plupart de ses appareils fonctionnent dans certains paramètres, ou simplement parce qu'il veut se garder des options pour plus tard, pour pouvoir revendre d'autres appareils. C'est souvent le cas de Apple. Donc, le fait de jailbreaker un appareil, c'est le fait de le sortir de son giron Apple et à ce moment-là, d'y installer peut-être des applications qui, dans un temps normal, ne sont pas en mesure d'interagir entre elles. C'est-à-dire que chaque application que vous achetez sur le Apple Store est sandboxé, c'est-à-dire est mis dans un carré de sable, et une application ne peut pas interagir sur une autre. C'est-à-dire qu'il ne pourrait même pas avoir, par exemple, de logiciel antivirus sur le App Store parce que ce logiciel-là ne pourrait pas regarder ce que les autres logiciels font. Avec cette petite introduction-là, en fait, je vais laisser la parole à Vincent, qui est développeur et qui va parler à un autre développeur qui est I'm Reload. Ouais, dans le fond, on va parler, moi, côté lumière, lui, côté obscur de la force. oui, ben en fait, j'ai préparé quelques questions. Vous faites un petit peu de recherche. OK, fait que dans le fond, il n'y a vraiment pas de règles concernant les sujets des applications en tant que telles. Absolument pas. Il y a du côté jailbreak, vraiment, si vous faites un petit peu de recherche de ce côté-là, les sujets sont illimités. Là. Ça peut aller de la pornographie, à peu importe les sujets assez spéciaux, mais ça peut être... Ça peut aller très loin. Absolument, oui. Juste pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne seraient pas habitués, tu as mentionné certains mots, en fait, que, peut-être qu'eux ne comprennent pas. Donc, tu as parlé de Cydia. Cydia, oui. C'est le magasin, si je ne me trompe pas, c'est le App Store de ces applications-là, une fois le téléphone jailbreaké. Donc, c'est un processus logiciel qui fait que le téléphone est jailbreaké. Et après ça, Cydia est installé sur le téléphone et on peut aller via Cydia acheter des applications qui sont soit gratuites, soit payantes, selon le bon vouloir du développeur, parce que oui, il y a de l'argent qui se fait au niveau du développement des applications Cydia. Et tu as parlé de repo aussi, ou de dépositaire, qui sont en fait des serveurs qu'on va rajouter à notre téléphone. Et quand on va faire une recherche, on va avoir accès à certains logiciels. Parce que même dans le monde des jailbreakers qu'on appelle, que Vincent en fait a qualifié de monde sombre, côté obscur de la force, il y a quand même des développeurs là-dedans qui veulent respecter une certaine éthique. Et il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Fait qu'il est possible de télécharger toutes les applications du App Store, mais comme s'ils étaient hackés. Et on ne les payerait pas à ce moment-là. Donc, ça, c'est un truc qui est possible de faire, sur lequel on ne s'étendra pas trop. Mais on va rester plus sur la portion de développement d'applications, puis des widgets pour la Notification Center, des trucs comme ça. J'avais une question. Là, c'est un peu plus technique, mais comme Alexis vient de le dire, on va rester le plus simple possible. Quand tu développes une application ou un logiciel dans justement ce store Cydia, là, quel langage de programmation tu utilises normalement pour ça? Principalement Objective-C et C++. C'est les deux langages vraiment les plus utilisés. OK, fait que ça reste toujours dans côté développement. Il n'y a pas de JavaScript ou de quoi que ce soit de ce côté-là. Là. Non, pas du tout. Les outils sont sensiblement les mêmes. On utilise Xcode aussi pour compiler nos applications. OK, fait que vous développez vraiment côté comme si c'était officiel, mais à la fin, ça se retrouve pas dans le App Store, mais dans le Cydia. Là. Exactement, oui. OK. Tu parlais tantôt des différents en anglais vraiment mauvais pas des sources contiennent le mot Cydia, par exemple. On peut dire Cydia point peu importe le site .com et c'est très simple. En quelques minutes ça peut être créé, même que dernièrement il y a des sites comme My Repo Space qui sont apparus. Donc c'est des sites qui sont gratuits. On se crée un compte en quelques minutes avec une adresse email et par une interface le graphique très très simple, on peut ajouter ses propres extensions ou applications là, qui peuvent être distribuées dans Cydia. Okay. Moi, je me demandais, on entend souvent parler, en fait, là, quand on s'y intéresse un peu à ces nouvelles-là, on entend parler de clans, de gangs. Vous êtes différents groupes de développement, si je comprends bien. Exactement, oui. Okay. En fait, c'est plutôt appelé Dev Team, les Developers Team. Okay. Donc, oui, il y a plusieurs grands groupes. Principalement, ceux qui font le plus la manchette, c'est la iPhone Dev Team. Donc, ceux qui sont responsables de, du logiciel de jailbreak Red Snow. Okay. Donc, vraiment, ça, c'est la plus grande équipe de jailbreak. C'est eux qui ont créé aussi jailbreakme.com, le fameux site web que tu peux visiter à partir d'un, d'un iDevice sur iOS 4.3 et jusqu'à 4.3.3 et jailbreaker en une seconde et quelques. Ensuite, il y a toujours la Chronic Dev Team qui sont derrière Green Poison, donc un autre logiciel de jailbreak. Okay. Mais là, c'est eux autres qui ont découvert cette semaine la faille dans, dans iOS 5, si je me trompe pas, hein? Exactement, oui. C'est eux qui ont découvert la faille Ionic, le nom du hacker qui a découvert la faille, là, c'est ça, c'est eux. J'avais pas entendu dire qu'ils sortaient ça hier, la façon de le jailbreaker sur toutes les plateformes? Bon, il y a plusieurs rumeurs actuellement. Moi, ce que je peux confirmer, selon mes sources, le jailbreak untethered de iOS 5 est déjà complété. Par contre, c'est toujours le problème de la puce A5 qui est sur le iPhone 4S et le iPad 2. La combinaison de la puce A5 et de l'iOS 5 rend les choses complexes. Pour le moment, c'est pas encore complété pour ce qui est là, de toutes les devices, non. Oui, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas le même boot ROM, mettons l'iPhone 4 et l'iPhone 4S, la puce n'est pas pareil, fait qu'ils n'ont pas le même boot ROM, ils bootent plus pareil les deux devices. Fait que, exactement, donc les failles sont plus les mêmes, donc c'est pratiquement, il faut repartir de zéro et remonter là, un hack complètement entier. Ça peut prendre parfois quelques jours, parfois quelques mois, ça peut être très très, très long. J'ai une question pour toi. Oui, vas-y Alex. Est-ce que la motivation de faire des applications dans le monde Cydia, dans le monde jailbreak, c'est toujours parce que les applications ne sont pas validées par Apple, ou bien il y a comme d'autres motivations à faire du développement pour le monde du jailbreak? Non, je te dirais que la question, pour moi, la question se pose pas. Honnêtement, j'ai un compte Apple développeur officiel. J'ai jamais posté aucune application dans le App Store, tout simplement parce que la communauté jailbreak en ce moment, les gens sont beaucoup plus près des développeurs et la communauté nous redonne beaucoup plus en échange. Moi, c'est surtout cet aspect qui m'a attiré le plus, d'être la proximité avec les utilisateurs puis tout ça. Quand tu parles de retour utilisateur et de la communauté, c'est, mettons, de l'entraide dans les techniques de développement, ce genre de choses? Oui, entre autres, mais aussi, par exemple, des simples utilisateurs, souvent, ils pourront, c'est facile de communiquer avec nous, par exemple, par Twitter ou d'autres plateformes là, sociales. C'est très facile de communiquer avec nous et poser une petite question et tout ça, et ça se fait très rapidement, là. Tandis que, par exemple, sur un développeur d'une application du App Store, ben, ça peut rendre les choses pratiquement impossibles de communiquer avec cette personne-là. Même de lui dire que vous appréciez son travail, c'est très compliqué. Oui, c'est ça, on ne peut pas rejoindre le développeur. Moi, je me demandais, on parle souvent, on va entendre parler de jailbreak, puis on va entendre parler de activation. Et c'est pas tout à fait la même chose. Je sais que c'est une question un petit peu de néophyte, là, mais est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Oui, absolument. Ben, le jailbreak, comme on l'a dit plus tôt, c'est tout simplement donner accès à un plus grand éventail de fonctions sur nos appareils. L'activation, donc, est appelée HACK activation, qui veut dire, dans le fond, hacker un procédé de Apple, dans le fond, pour une vérification XYZ. Donc, je m'explique dans des mots simples. Par exemple, dernièrement, lorsque le iOS 5 bêta a été lancé, pour y avoir accès, chaque device, donc chaque appareil, doit être enregistré dans un compte développeur à Apple officiel. Bon. Si la personne n'a pas accès à un compte développeur pour X, Y, Z raisons, bien souvent, ce qu'on a vu, c'est que les gens font payer ou encore, il y a plusieurs procédés malhonnête de ce côté-là. Donc, la plupart des utilisateurs moyens n'ont pas accès à enregistrer leur appareil dans un compte développeur. Donc, plusieurs hackers ont travaillé sur une manière tout simplement de contourner les vérifications d'authenticité sur les appareils. Donc, pour ne pas nommer de nom, mais on peut facilement penser à I8 Snow, qui est canadien aussi, donc un hacker de Toronto, qui est responsable de Snowbreeze, donc un autre outil de jailbreak, est un de ceux justement qui est allé de l'avant avec ça. Donc, lui a trouvé une manière de contourner les vérifications que Apple font entre l'appareil et le serveur d'activation pour le iOS, finalement. Il y a plusieurs écoles de pensée à ce niveau-là. Moi, honnêtement, en étant enregistré comme développeur officiel, honnêtement, je ne prône pas ce type d'activité-là parce que ça peut entraîner plusieurs problèmes. Mais entre autres, distribuer du software non autorisé par Apple, ça peut occasionner différents problèmes plus ou moins graves. Puis il y en a eu récemment. Exactement. Cette semaine, dernièrement, si les gens ont suivi un petit peu l'actualité... Un développeur américain, je me souviens pas exactement de son nom. C'est le frère de Vincent, il s'appelle Charlie Miller. Donc, j'ai beaucoup de frères aux États-Unis, Miller, hein? C'est ça. Ce qu'il a fait, le type, c'est qu'il a publié une application dans le App Store. Mm-hmm. Cette application-là donnait la possibilité de faire tourner du code qui est non signé dans Xcode. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en ouvrant cette application-là, ça permettait de faire rouler à peu près n'importe quel code, n'importe quelle application via cette application-là, et tout en n'ayant besoin d'aucun jailbreak. J'ai lu un peu, ça a l'air que c'est à cause d'une faille de Safari dans l'engin. Je pense JavaScript de Safari. C'est JavaScript, moi. Exactement. JavaScript. Et ça serait à cause que Apple, pour toutes les applications, les mettrait sandbox, mais serait en mesure de donner des comment ça s'appelle? En tout cas, ils ont fait comme une exception pour leur propre outil. Puis c'est ça qui a causé le fait que le gars a pu trouver cette faille-là, si je me trompe pas. Donc... En tout cas, c'est un peu de la faute de Apple là, que cette faille-là existe. Oui, c'est vrai. Mais pour dire une question. Vas-y, Alex. Okay. Une question un peu d'ordre général. Mettons, qu'est-ce qui t'a attiré à faire du jailbreak sur iOS? Je t'ai entendu parler beaucoup de liberté de programmation, liberté d'utiliser les fonctionnalités. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme plus tenté à faire du jailbreak plutôt que de s'orienter à du développement sur des plateformes considérées comme plus ouvertes, comme Android, par exemple? Premièrement, ben, c'est mon amour des produits Apple, tout simplement. Ça a été la plus grande motivation. Moi, en fait, je suis, pour faire une histoire brève, j'ai aucun background professionnel de codage. Je suis autodidacte. J'ai appris par moi-même à coder, tout simplement en étant amateur de iDevice à la base. Donc, j'aimais les appareils iPhone. De fil en aiguille, je me suis initié au jailbreak. J'ai décidé d'essayer par moi-même, de voir si c'est des choses qui se font par des gens comme tout le monde. Puis tout simplement, je crois que c'est une question de défi, personnellement. Donc les limites sont là, des règles, c'est fait pour être un peu transgressé ou challengé, si on veut. C'est une question de, je croirais, de défi, personnellement. C'est le mot vraiment qui qualifierait le mieux la situation. OK. Je vais mettre quelque chose au clair tout de suite, parce que je reçois des tweets depuis tantôt. On ne dira pas comment installer des applications du App Store gratuitement. Je suis contre ça. Là, c'est clair. Je suis vraiment contre ça. Là. Je le dis, on ne le dira pas. Là. Arrêtez. Non, absolument pas. C'est certain. Moi non plus, non, certainement pas. J'achète mes applications et j'achète même mes applications sur Cydia. Fait que j'irai pas dire comment le faire. C'est sûr et certain. Ça. Vincent, c'est développeur. Ouais, voilà. Oui, je le sais. Voilà. Vincent, c'est développeur. Alexandre Vallière-Lagacé développe aussi un peu dans le chatroom. I'm Reload peut faire un petit peu de sous avec ces trucs. Fait que c'est clair qu'on va pas comme avertir les gens comment le bypasser. Cette information-là existe sur l'Internet. C'est pas notre rôle de la diffuser. Nous, on peut quand même parler correctement de cette option-là, si on veut. T'sais, en même temps, c'est un peu comme il y a des limites des fois qu'on n'a pas à franchir. C'est pas parce que tu sais comment on dit, débarrer une porte avec des outils que tu vas l'enseigner à tout le monde comment aller voler chez quelqu'un. Ouais. C'est un peu si tu veux t'aventurer là-dedans dans le fait de voler des applications, c'est ton choix, mais nous on n'embarquera pas là-dedans. T'sais. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à une des questions qu'on avait. Les avantages et inconvénients, peut-être, de jailbreaker un appareil. Est-ce que, on sait qu'il y a des avantages en rajoutant certaines fonctionnalités qu'on n'a pas. Tu peux-tu nous donner quelques exemples? Puis, certains inconvénients qu'il faudrait peut-être connaître avant de se lancer dans ça. Oui, bien sûr. Ben, c'est comme tu dis, les fonctionnalités additionnelles. Par exemple, avec l'iOS 5... donc, la nouvelle fonction, là, vraiment, c'est le Notification Center. Bon, le Notification Center, c'est une plateforme incroyable pour le développement du côté jailbreak. En ce moment, il y a des dizaines, peut-être même, voire des centaines de widgets, donc d'extensions ajoutables au Notification Center. De notre côté, justement, pour ce qui est de mon équipe, la Pound Dev Team, c'est de cette manière qu'on s'est fait connaître. On a lancé un widget qui s'appelle BB Settings, donc BB Settings, qui s'ajoute au Notification Center, donc permet là, plusieurs manipulations, comme par exemple respring le téléphone, donc rebooter le springboard de son téléphone, fermer la connexion 3G, ouvrir la connexion Wi-Fi, etc., etc., ajouter aussi ses applications préférées, donc un shortcut, un raccourci dans le Notification Center pour 8 applications préférées. Donc, c'est vraiment différentes fonctionnalités qui sont très plaisantes et c'est toujours des défis à développer. Du côté du revers de la médaille, si on peut le dire comme ça, c'est certain, les appareils iPhone et compagnie, c'est des appareils électroniques, donc ça fonctionne avec l'électricité. En ajoutant des fonctionnalités, en ajoutant des softwares, des logiciels à l'intérieur, c'est bien certain que la batterie, elle, doit quand même se drainer et doit quand même envoyer de l'électricité à tous ces composantes. Donc, c'est sûr que la batterie, en partant, la durée de vie de la batterie, c'est un gros désavantage du jailbreak. Honnêtement, je pourrais dire que la batterie est coupée peut-être d'un 30% lorsqu'on jailbreak. Dans les applications jailbreakées, est-ce qu'il se peut que tu aies comme des applications jailbreakées qui vont se substituer à certains composants du système Apple? Mettons, tu décides que je trouve que le courrier mail de base est comme vraiment codé avec les pieds par endroit. Je vais comme pouvoir le supprimer et le remplacer par quelque chose qui a comme plus d'allure. Est-ce que tu as comme cette possibilité de supprimer pour remplacer par ta propre création? Pour ce qui est de vraiment supprimer une application native ou une fonction native, c'est impossible actuellement. Ça encourt vraiment des catastrophes. Pour l'instant, c'est impossible. Par contre, par exemple, pour ce qui est de l'application Mail, il y a moyen d'installer des extensions à l'intérieur et justement d'ajouter les fonctionnalités manquantes ou d'améliorer les fonctionnalités déjà existantes. Les personnes qui veulent pas utiliser les applications natives justement du iPhone, comme tu dis, c'est pas possible de les enlever, mais les façons de faire en ce moment, c'est-tu de les cacher dans un dossier ou comment on fait maintenant? Parce que je sais que ça fait plusieurs. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas jailbreaké mon téléphone, mais dans ce temps-là, j'avais une espèce de liste d'applications, puis je pouvais les désactiver, puis ça apparaissait dans un autre dossier, dans une application, puis ça disparaissait ou sinon. Est-ce que c'est encore la même manière de faire ou il y a différentes choses maintenant? En ce moment, non. Ça, ce n'est plus une possibilité qui est vraiment mise de l'avant. Par exemple, dernièrement, il y a eu le lancement de l'application Gmail pour le iOS. Donc, on ne discutera pas trop de ça. Tu parles de l'application Google quand tu l'annonces, elle revient. mais voilà, non, moi honnêtement, quand je remplace, là, comme par exemple, j'utilise très très peu Safari. Donc finalement, ben, je l'ai enlevé de mon dock et je l'ai mis dans une dans la, je crois, dans la troisième page là, de mon iPhone finalement. Okay. Ben, par exemple, il y a certaines applications sur Cydia qui peuvent remplacer l'application de Apple. Comme moi, j'utilise beaucoup, ça s'appelle BitSMS. C'est, ça remplace complètement le système de SMS, de MMS de Apple. Là. Ouais. J'ai plus accès à, j'ai accès à ce logiciel-là, mais il est remplacé. Toutes mes SMS rentrent par ce logiciel-là. Puis ça vaut. Moi, en tout cas, ça, c'est un de mes bijoux. Là, parce que moi, je texte beaucoup. Ça, et ça la va. Manière qu'ils ont programmé ça, là, parce qu'avec la version d'Apple, tu es obligé de débarrer ton téléphone et de rentrer dans l'application pour commencer à texter. Mais avec la version de BitSMS, tu as juste à appuyer sur le bouton Home, tu payes sur le plus, puis là, tu commences à texter tout de suite. Fait que c'est vraiment, ça va bien plus vite que, OK, je vais aller débarrer mon téléphone, je vais aller partir de mon application, je vais aller chercher. Fait que c'est vraiment, ça vaut, moi, en tout cas, pour moi, c'est un de mes coups de cœur de. Je l'ai acheté quand j'ai vu ça tout de suite. Là. Ça coûte 9$. Là. C'est vraiment. Ça remplace vraiment le système de messages de Apple. Là. Ça m'apporte une question. Est-ce que c'est encore pertinent de jailbreaker avec les nouveautés qu'ils ont peut-être amenées avec iOS 5 puis qui étaient grandement inspirées en fait, du monde du jailbreak puis d'Android? Est-ce que ça reste pertinent? Est-ce que la scène jailbreak a peut-être perdu un petit peu de followers, si on veut? Là? Non, même que je dirais que ça va en grandissant, honnêtement, depuis le lancement de Jailbreak Me 3, donc le site web, je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est un site web qu'on peut visiter à partir de Safari dans l'appareil et jailbreaker en quelques secondes. Ça l'a apporté, ça a pratiquement doublé le nombre de téléphones de devices qui sont jailbreakés, donc vraiment. Et à la sortie de l'iOS 5, c'est la même chose. En ce moment, le jailbreak n'est pas complètement lancé, mais il y a des. Je vous dirais que avant l'iOS 5, on pouvait calculer environ 5 à 7% des utilisateurs. Qui était jailbreaké. Maintenant, on peut parler de 12 à 15% wow. selon les derniers chiffres. Donc, ça va en augmentant, finalement. D'accord. Okay. JF, oui. Parce qu'on est en train de manger sur le prochain show, les amateurs de Mac, bonsoir. Tu m'avais parlé peut-être d'une liste des 5 meilleures applications Cydia que tu avais. Que j'utilise moi, là. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Ben, on va commencer par, excusez du concurrent, mais ça s'appelle, première, ça s'appelle SB Setting. c'est une application qui est concurrente au BSB que tu parlais tout à l'heure. BB Setting, oui, exact. J'aurais pas dû le mettre là, mais bon, je suis désolé. ça fait la même chose. Sauf ça donne envie de tester, de comparer, c'est correct. Oui, c'est ça. Ah, c'est correct. C'est la même chose. C'est sûr que c'est un autre groupe de développeurs qui ont créé l'application. En deuxième, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça s'appelle 3G Unrestrictor. C'est ce que ça fait, ça dit à ton téléphone, quand tu es en 3G, ça permet de dire à ton téléphone que tu es en Wi-Fi. Mais le téléphone pense que tu es en Wi-Fi, mais tu es en 3G présentement. Okay. Fait que tout passe par, mettons, ton FaceTime. Tu peux faire ton FaceTime en 3G, ce qui n'est pas possible. Tu peux faire Apple... téléchargement de 20 voilà. megs. C'est oublié ça, là. Vous pouvez downloader ce que vous voulez avec ça, là. Vous voulez vous downloader 4-5 gigs, si vous voulez, là. Skype. YouTube en HD. Ah, OK. C'est ça en gros ce que ça fait, mais il y a plein d'autres, il se met toujours à jour ce petit logiciel là, surtout que là il n'a pas été à jour depuis les anciens, iOS 4 là, mais ça fonctionne encore sur iOS 5. Toi, MReload, ce serait quoi tes applications préférées? J'imagine que tes téléphones sont jailbreakés là, donc Oui, c'est sûr. Ben, honnêtement, c'est sûr que j'utilise beaucoup BB Settings, donc l'extension qu'on a créée pour le Notification Center. Aussi, j'aime beaucoup Q-Twitter, qui est, dans le fond, un client Twitter qui a comme particularité de fonctionner avec Activator. Donc, Activator, ça laisse la possibilité de créer des gestes personnalisés pour activer certaines applications. Donc, Q-Twitter, tout simplement, en double tapant l'heure, le status bar dans ta device, tu as un client Twitter qui sert seulement à poster sur Twitter. Ensuite, je crois que mon application préférée serait iFile. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas iFile, finalement, c'est comme un petit peu c'est un explorateur qui te laisse aller partout dans les fichiers internes de ta device. Donc, tu peux faire des manipulations internes, modifier des listes de codes. En tout cas, moi, personnellement, c'est l'application must, c'est iFile, vraiment. Juste une question. Tu peux-tu modifier aussi des fichiers, des POS et des property list directement dans l'appareil? Avec absolument. Oui. Oui, avec iFile. Okay. Par exemple, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, hier, il y a l'extension Firebreaker qui est sortie sur Cydia. Pour le panorama. C'est ça, finalement. C'était une possibilité qui était cachée dans une plist de l'appareil caméra. Donc, tout simplement, en changeant une valeur qui était false, donc fausse, à true, donc vrai, ça débloquait le mode panorama dans l'application caméra pour les iPhone 4 et 4S. Donc, tout simplement, en modifiant un mot dans une plist et voilà, le tour est joué. Ben, c'est ça, je me disais, c'est super facile. Après ça, quelqu'un qui utilise le logiciel que tu as parlé s'en va justement dans ce fichier-là, change la valeur de yes à no, de no à yes, ou je sais pas exactement c'est lequel. Puis c'est fait, ça a la pratique comme application. Oui, c'est pratique, mais il faut dire aussi que c'est pas le commun du mortel qui peut aller jouer là-dedans. Hein. Non, c'est vrai. Sûr. Ouais. Parce que tu peux planter ton téléphone et d'aplomb. Oui, vraiment. Irrécupérable, absolument. Non, ouais. Irrécupérable, exact. J'aurais une question pour vous. Est-ce que vous auriez comme une application d'optimisation de batterie à recommander? Malheureusement, les applications d'optimisation, je te dirais, la meilleure optimisation de batterie, ça pourrait être tes deux mains. Parce qu'il n'y a aucune application actuelle qui peut prolonger la durée de vie. Honnêtement, c'est tout simplement des petits trucs comme, par exemple, tourner la géolocalisation à off sur certaines applications qui n'en ont pas nécessairement besoin. Baisser un petit peu la luminosité et tourner et fermer la luminosité automatique. Moi, honnêtement, c'est les seuls trucs que je connais. S'il y a des applications à ce niveau-là, éclairez-moi parce que j'en connais aucune, honnêtement. La fonctionnalité de apporter sur un iPhone 4S, là, quand on met le téléphone à son oreille, il détecte, là, ils ont parlé depuis hier d'un espèce de senseur infrarouge qui voyait vraiment mieux que tu t'approchais le téléphone de ton visage. Cette fonctionnalité-là est considérée comme étant quand même très, très énergivore. Donc, si on la ferme, by the way, ça peut économiser de la batterie vraiment beaucoup. Moi, je l'ai fait sur mon appareil. Puis ça le fait. Écoutez, je ne veux pas vous presser. D'abord, I'm Reload, est-ce que tu restes avec nous pour les amateurs de Mac? Bonsoir. Je sais que tu as une petite fille, tout ça. Malheureusement, je pourrais pas pour cette fois-ci. Par contre, ça me fera plaisir si l'occasion se représente de revenir. C'est clair qu'on va te réinviter. Puis j'aimerais terminer en disant que, bon, une des nouvelles fonctionnalités du iPhone 4S, on le sait, c'est Siri. Et la scène Jailbreak nous a permis au cours des dernières semaines de se rendre compte que Apple a un peu forcé la note en obligeant d'avoir le nouveau téléphone pour avoir Siri, mais que ça s'importe relativement bien sur les anciens téléphones. Faut que votre téléphone se fasse passer pour un iPhone 4S auprès des serveurs de Apple, mais il y a possibilité d'avoir ces fonctionnalités-là sur des iPhones plus anciens si vous le jailbreakez actuellement. Mais est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça en est rendu, ça? Ben, actuellement, moi, ce que j'ai vu dernièrement, même je pourrais, si vous voulez partager une vidéo avec vous, Siri qui fonctionne 100% correctement sur un iPhone 3GS. Oui, c'est assez remarquable. Le seul problème, et qui est quand même assez énorme en ce moment, c'est que distribuer ces fichiers-là, c'est complètement illégal. C'est des fichiers qui sont pas open source, donc ils sont pas, on peut pas distribuer ces fichiers-là sans l'accord d'Apple. Et c'est bien certain qu'Apple donnera jamais son autorisation sur ça. Donc, les gens l'ont déjà porté, ont déjà fait le travail, mais ils doivent trouver une façon de distribuer les fichiers sans courir de risque. On va se laisser là-dessus, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. I'm Reload, merci beaucoup de ta présence. C'était très intéressant. Puis ça fait plaisir. On va te réinviter. C'est très enrichissant. Oui. Monsieur Miller, on peut te trouver où cette semaine? Moi, sur les Twitter, on peut me trouver à DEVV Miller. Donc, vous pouvez me poser plein de questions sur le développement. Côté la lumière, là, pas côté obscur de la force. Pour ce côté-là, là, je laisse ça. T'es un jeune padawan pragmatique et... oh non, repartez pas là-dessus! Commence pas, jeune et pragmatique. C'est bon, JF, on peut te trouver où? Ben, chez moi. Okay. Puis sur les Twitter aussi, à JFroy1979. Fait que vous pouvez me poser des questions sur les problèmes d'Apple, n'importe quoi. Les petits téléphones, les petits jailbreaks aussi. J'en connais quand même assez pas pire. Je suis pas développeur comme monsieur avec qui qu'on est. Mais bon, c'est ça. Vous pouvez me poser des questions. Excellent. Alex? Moi, quand je suis pas dans ma cuisine, tu peux me trouver sur Ibiwa, sur Twitter. Sinon, aussi, disponible pour tout le monde, n'hésitez pas à me poser vos questions. C'est comme des petits défis domestiques, des petites choses que vous voulez réaliser, comme je veux que ma télé devienne 3D. Bon, ben, ne m'écrivez pas, je n'aurai pas de réponse. Car c'est des trucs un peu. On n'en veut pas de façon du 3D. Effectivement. Exactement. Et sur ces bonbons, ben, moi, je vais vous dire salut. Vous pouvez me trouver aussi sur Twitter à Alex Cornelier. Je suis pour répondre à vos questions. Et si la problématique est plus grosse, ben vous pouvez même me contacter pour prendre rendez-vous et puis je peux me déplacer à la maison. JF, tu avais un petit dernier truc à rajouter avant que... Oui, ils ont fait une page Mac Québec sur Google+. Alors, je vous invite à aller les follower. C'est Google+, Mac Québec. Oui, c'est ça. Fait que vous avez juste à aller les voir. Et puis, nous, on ferme tout ça pour à peu près 5 minutes. Ouais. Le temps de se rafraîchir un peu. Et on se retrouve, moi et M. Miller, et un invité cette semaine pour les amateurs de Mac. Bonsoir. Yes.